Moi je te laisse bosser sur les mix. Ouais. Vas-y, on va ça demain. Ouais, tranquille. Oh, c'est la quille dehors. Bon, moi. En plus. Main 2. Vas-y, pas de gars. Elle rentre dans le papier. Tiens, attends. Des heures que la ville dort, mort de fatigue, je traîne encore mes schlappes. Je me volume plus fort, la nuit m'intrigue, M de l'île d'Ap. Y'a plus que des chats dehors, et moi qui remonte, puis redescend vers chez Wam. Tapons presque à tue-tête son dans un fond anglais que personne crame. Ma vie d'artiste sur la paille, mes horaires décalés. De 16 à 18, je braille, à 19h, je m'endors si je me laisse aller. Branleur, à son nom chauve-souris, ma contre-culture, rien me parle plus qu'un vieux tac sur un mur pourri. Reebok, classique sur le trottoir. Heureusement que j'ai la zic pour traverser la cité dortoir. J'mets le temps qu'il faut pour rentrer. J'pense au rap, j'ai un niveau à montrer. Faut que j'gratte, qu'elle tombe les roues à contre. Merde, ça caille, j'perle dans mon fly jacket. C'est un rimka des fourrailles dans sa dernière maquette. La churugasse, ton chat, la cité des chats. Tous ces immeubles me parlent, mon enfance est là. Un retour tranquille, nuit froide sans Schmitt. A capella à 4h30 pile. Les voitures glacées jusqu'au vide, j'kiffe ces ambiances. Sous la lumière des lampadaires, je marche en confiance. Je kiffe ces ambiances. Sous la lumière des lampadaires, je marche en confiance. Le tour en solitaire, sous ciel sans étoiles. Le monde recueille mon salutaire. Le long des réverbères, sous leur lumière pâle. La petite aiguille à l'aise dans le cadran. Trop tard pour entrer dans rang, même si mon chemin mène à que dalle. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis. Traverse la ville dans tous les sens, je traîne tard, puis l'adolescence. J'avais des bombes dans le cuss, je posais mon blaze en silence. H-lap, quelle soit la distance, une nuit des roses compte en année. Combien de textes ont pris naissance, le long de ces trottoirs rouges, j'ai zoné. Mais retour en solitaire, c'est quoi ma vie, c'est là qu'on s'interroge. Et d'où qu'on voudrait faire taire, quand la part d'ombre au fond de nous se manifeste, bouscule nos pères. On se dit qu'on a guidé un peu tous nos frères, le chemin devient long. Le mal-être sur les talons, arrivé chez soi, on est content de trouver la télé dans le salon. Traîner sa carcasse sous des temps de chien, il arrive rien à celui qui tente rien. Bien des fois, j'ai fait des choix en rentrant seul. Pour trouver la voie en me disant, ils pensent ce qu'ils veulent. Le retour en solitaire, parce qu'il y a que là que je pense bien. Entre la nuit, la rue et moi, un puissant lien. Le retour en solitaire, sous ciel sans étoiles. Le monde recueille mon salutaire, le long des réverbères sous leur lumière pâle. La petite aiguille à l'aise dans le cadran, trop tard pour entrer dans le rang, même si mon chemin. M'amène à que dalle. En solitaire, sous ciel sans étoiles. Le monde recueille mon salutaire. Le long des réverbères sous leur lumière pâle. La petite aiguille à l'est dans le cadran. Trop tard pour entrer dans le rang, même si mon chemin m'amène à que dalle. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule. La nuit dans la rue, certains diront que c'est nul. Y'a qu'à penser à ce qui mate la lune depuis leur cellule.